بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في شرحنا على هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب التوبة وما زلنا في المقدمة. Donc on est toujours dans l'explication de notre livre رياض الصالحين, expliqué par l'imam Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin رحمه الله تعالى. Et nous sommes arrivés au chapitre concernant At-Tawbah, le repentir. Et on est toujours dans l'introduction, on n'avait pas terminé l'introduction du chapitre. Et rappelez-vous, l'auteur avait cité dans son introduction les conditions du Tawbah, les conditions du repentir. Il en avait cité trois. Et Cheikh Al-Uthaymin avait dit, rahimahullah ta'ala, qu'en réalité on peut en citer cinq. Premièrement, que le repentir soit fait exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre et pour aucune autre raison. Deuxièmement, que la personne regrette sincèrement le péché dans lequel elle est tombée. Troisièmement, qu'elle arrête immédiatement ce péché pour lequel elle se repent. Et quatrièmement, on avait dit quoi ? Quelle est la ferme conviction de ne plus jamais recommencer ce péché. Et cinquièmement, on avait dit quoi? Que cette tauba soit faite dans un temps ou dans une période où la tauba ou le repentir est accepté. C'est-à-dire avant la mort pour chaque individu et avant Yom al-Qiyamah pour l'ensemble de l'humanité. Et on a détaillé tout ceci. Alhamdulillah. Il nous restait à voir où on avait commencé à expliquer le verset que nous cite Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. On avait dit que ce verset avait été, ou ce passage est la fin d'un verset. Et le verset concerne quoi? Ou concerne un passage dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants et aux croyantes de baisser leur regard. Et on s'était arrêté ici. فقال الشارح يعني شيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نتواصوا بالتوبة وأن يتفقد بعضنا بعضا. هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصرا عليه؟ لأنه وجه الخطاب للجميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. Et donc ici, après avoir ordonné de baisser le regard, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché « Et repentez-vous tous vers Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants, ainsi vous atteindrez le succès, la réussite. » Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Et repentez-vous tous vers Allah » nous indique qu'il est impératif même, il est obligatoire qu'on s'enjoigne mutuellement le repentir, la tawbah, et qu'on s'interroge les uns avec les autres. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a fait tawbah, est-ce qu'elle s'est repentie de son péché, ou est-ce qu'elle continue dans son péché? Pourquoi? Parce que ici, regardez dans le verset à qui Allah Azza wa Jal s'adresse? Il s'adresse aux croyants au pluriel, wa tubu ila Allah au pluriel. Ce qui indique quoi? Le fait qu'on doit s'enjoindre tous ensemble mutuellement la tauba. Le repentir. Hein, lorsque tu sais que ton frère a fait un péché, tu l'as vu, hein, ou il te l'a affirmé, ou il s'est confié, tu dois lui enjoindre, tu dois lui conseiller le repentir. Toubi l'Allah ya akhi, repentis-toi. Hein, et malheureusement aujourd'hui, lorsque tu dis toubi l'Allah ya akhi, hein, la personne elle se sent offensée, elle se sent attaquée. Hein, quand tu dis repends-toi mon frère, il croit que tu l'attaques, il croit que tu le rabaisses. Non, au contraire, tu veux son bien. Tu lui veux son bien. Ya akhi, tu es tombé dans un péché. Toubi l'Allah, repends-toi. Demande pardon à Allah parce que tu veux son bien. Tu veux pour lui le bien. Tu veux pas qu'il reste dans cela. Et si tu apprends, si tu sais qu'il continue son péché, conseille-le. Ya akhi, taqillah. Ya akhi, toubi l'Allah. Hein, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, les sœurs aussi entre elles. Hein, c'est pas uniquement on parle au masculin, mais les femmes aussi, ça rentre dans le sujet. وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة pardon. Et la parole d'Allah à la fin du verset est ainsi vous obtiendrez le succès, la réussite. Ceci est une preuve, mes frères et mes sœurs, que le repentir est une des causes pour avoir le succès, pour avoir la réussite. Et al-falah en arabe, hein, les gens de science, parmi les savants du tafsir et de la langue arabe, ont dit que c'est un mot global, général, qui englobe tout ce qui te permet d'atteindre ce que tu souhaites et qui éloigne tout ce que tu détestes. Donc c'est un mot qui est global. On traduit en français par le succès ou la réussite. Yani, le succès ou la réussite dans ce qu'on veut, mais aussi le succès et la réussite dans le fait d'éloigner ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est le falah, la réussite. Qu'est-ce qu'il dit le mu'adhin? Hayya ala falah, venez à la réussite, venez au succès. N'est-ce pas que le plus grand ou l'un des plus grands succès dans cette dunya, c'est quoi? As-salah, c'est la prière. Hein? Attendez, mais ça, c'est un autre sujet. Wa kullu insanin yatlubu khayl ad-dunya wal akhirah. ما تجد إنسانا حتى الكافر يريد الخير لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق. Il dit chaque individu, chaque être humain, il recherche le bien de cette dunya. Tu ne trouves pas, et de l'akhira pardon, du dunya, de la dunya et de l'akhira, tu ne trouves pas un être humain, même le mécréant, il cherche le bien. Il cherche le bien. Mais certaines personnes l'obtiennent et d'autres ne l'obtiennent pas. Al-kafir yurid al-khayr, lakinnahu yurid khayr ad-dunya. Li'annahu rajulun bahimi huwa sharru ad-dawab 'inda Allah. Inna sharra ad-dawab 'inda Allah alladhina kafaru sharrun. من كل دابة تدب على الأرض ومع ذلك هو يريد الخير هو يريد الرفاهية هو يريد التنعم بهذه الدنيا لكنها أي الدنيا جنته والآخرة وليعذ بالله عذابه وناره. Toute personne veut le bien, même le mécréant, il veut le bien. Cependant, il veut lequel bien, lui, le mécréant? Il veut le bien de cette dunya. Il veut le bien de cette dunya. Pourquoi? Parce que le mécréant, hein, c'est un homme bestial. Hein, c'est le pire. C'est la pire des personnes sur... C'est la pire des créatures sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sans s'approcher dans le verset, Et certes, le pire de ceux qui marchent sur la terre auprès d'Allah, ce sont ceux qui ont mécru. Ce sont les pires, hein, de ceux qui marchent sur la terre. Malgré ceci, il veut le bien. Il recherche le bien. Hein, il veut, hein, le confort. Il recherche les bienfaits, hein, de ce bas monde. Cependant, ce bas monde pour lui est un paradis. Mais l'akhira pour lui est un châtiment et le feu de l'enfer. Hein, comme il connut la parole, hein, la dunya, c'est le paradis du mécréant et la prison du croyant. Alors que l'akhira, hein, c'est le contraire. C'est le paradis du croyant et la prison du mécréant. Al-muhim, anna kulla insanin yuridu al-falah, lakin ala hasab al-himmah. المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة والكافر لا يؤمن بالآخرة فهو يريد الفلاح في الدنيا فقط. Quoi qu'il en soit, mes frères, chaque personne veut le succès et la réussite. Mais ce succès et cette réussite qu'il souhaite, elles diffèrent ou elles changent selon sa motivation. Le croyant, il veut le succès dans la dunya et dans l'akhira, et surtout l'akhira. Alors que le mécréant, il ne croit même pas à l'akhira. Pour lui, il n'y a rien après la mort. Donc lui, il veut que le succès de la dunya. Wa min asbab il falah at-tawba ila Allah azza wa jalla kama fi al-aya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ay litunalu al-falah wa dhalika bihusul al-matlub wa zawal al-marhub. Na'am. Et donc, parmi les causes de la réussite, on a dit, mes frères, c'est quoi ? At-tawba, le repentir. Tu veux le succès ? Tu veux la réussite dans cette dunya, mais surtout l'akhira ? C'est quoi parmi les causes ? At-tawba, tub ila Allah, de tes péchés. Et la preuve, c'est quoi ? C'est ce verset. Ya ayyuhal wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Azza wa Jalla nous le dit dans ce verset. Et repentez-vous tous vers Allah, ô vous les croyants, ainsi vous atteindrez le succès et la réussite. Donc si tu veux obtenir ce que tu souhaites et que soit écarté de toi ce que tu ne souhaites pas, ce que tu détestes, parmi les causes de ceci, il y a quoi ? At-tawba. Hein ? At-tawba, le repentir. Donc avec ça, on a terminé, walillahi alhamd, l'introduction du chapitre de Tawba, et maintenant on rentre dans le vif du sujet, comme on dit. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. Le shir ici, donc il commence, Al-Hafid al-Nawawi, qui est mort quand al-Nawawi? Ahsan, 676, hein, pour vous rappeler. 7e siècle. Il rapporte deux hadiths, il commence. Le premier hadith de Abu Huraira. Abu Huraira est connu de vous tous, qui s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Il s'est converti en quelle année, on a dit ? 7e. Les 7e année, lors de la bataille, juste après la bataille de Khaybar. Naam. Ahsan. Et pourtant, c'est lui qui a rapporté le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? On a dit ? Parce qu'il a tout laissé. Il a tout délaissé et il a littéralement, en français, dirait collé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il était très pauvre. Il faisait partie des plus pauvres des compagnons, radiallahu anhu. Et si on commence de parler d'Abu Huraira, on ne va pas finir. Il rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire par Allah, wallahi, je demande pardon à Allah et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois. Plus de 70 fois. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Et Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani, qui est un compagnon radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, repentez-vous vers Allah et demandez-lui pardon. Certes, je me repens vers lui chaque jour 100 fois. Allahu Akbar. Comme l'a rapporté l'imam Muslim. On va expliquer cela, inshallah. Taqaddama al-kalam ala ma dhakarahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala min wujub at-tawbah wa shurutiha wa ma saqahu min al-ayat ad-dallati ala wujubiha. Donc, hein, on a dans l'introduction, on a déjà parlé de ce qu'a mentionné l'auteur du livre concernant l'obligation du repentir, ainsi que ses conditions, et les versets qu'il a mentionnés concernant l'obligation du repentir. وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَسْتَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِسُنَّةِ. Et maintenant, l'auteur, il rapporte deux hadiths afin de se baser sur des preuves provenant de la sunna. لأن كلما تضافرت الأدلة على شيء قوي قوية وصار أوكده وصار أوجبه فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a, le plus on a de preuves et le plus la chose est renforcée. D'accord? Cependant, attention mes frères, ça ne veut pas dire que c'est une condition d'avoir plusieurs preuves. Une seule preuve pour nous, les gens de la sunna, nous suffit pour affirmer ou pour renier quelque chose. Tant que cette preuve, elle est authentique, qu'elle provient du Coran ou de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On la prend, même s'il n'y a qu'une preuve. Cependant, plus il y a de preuves, et plus cette chose va être renforcée. Et comme disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les gens de l'innovation, tu leur ramènes 1000 preuves, ça ne leur suffit pas. Alors que les gens de la sunna, une preuve leur suffit. Donc là, plus les preuves sont nombreuses, plus la chose est renforcée. Plus elle devient confirmée. Et donc l'auteur a mentionné le hadith de Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure, wallahi, qu'il demande pardon à Allah et qu'il se repent vers lui plus de 70 fois dans la journée. وَهَذَا وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرْ مِنْ 70 مَرَّةِ. Et ça mes frères, celui qui dit ça c'est qui? C'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui pour qui Allah azza wa jal a pardonné tous ses péchés antérieurs et tous ses péchés futurs, comme on l'a vu hier dans le tafsir. Il demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour, alors que lui il est déjà pardonné. Et nous, subhanallah, plein de péchés, et il se peut qu'on passe une journée sans dire astaghfirullah une seule fois. Une seule fois. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est certifié ou qui est, dont il est de façon sûre que tous ses péchés, tous ses fautes, toutes ses erreurs sont pardonnées, il demande pardon à Allah plus de 70 fois. Et vous vous rappelez ce qu'il a dit à Aïcha quand il a demandé pourquoi? Il a dit Afala akuna abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Allahu akbar. Wa fi hadith al-Aghar ابن يسار المزني رحمه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. Et dans le hadith de l'Aghar ibn Yasar al-Muzani رضي الله عنه, il mentionne le prophète صلى الله عليه وسلم, il appelle les gens, oh vous les gens, repentez-vous à Allah, demandez-lui pardon. Et certes, moi, je me repens vers Allah chaque jour 100 fois. 100 fois. وفي هذين الحديثين دليلون على وجوب التوبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين. نترجم هذا أولا. Dans ces deux hadiths, il y a donc une indication, une preuve qu'il est obligatoire de se repentir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Il a ordonné le repentir. Il a dit, ô vous les gens, repentez-vous vers Allah. Hein, comme vous savez, dans Usul Fiqh, on dit quoi ? Al-amr yaqtadi al-wujub. Hein, l'ordre, hein, dans les règles de la religion, l'ordre, c'est-à-dire le verbe impératif, l'ordre implique quoi ? L'obligation. D'accord ? Et donc, si la personne se repent vers son Seigneur, alors il obtiendra par cela deux bénéfices. Al-fa'idatul ula, imtithalu amrillahi wa rasoulihi. وفي امتثال أمر الله ورسوله كل الخير فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة والله صدق الشيخ. Hein, il a dit le premier enseignement, hein, dans cela, c'est que quand tu te repens, tu auras donc obéi à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le fait d'obéir à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout le bien. Tout le bien, il est dans l'obéissance aux ordres d'Allah et aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'obéissance à l'ordre d'Allah et à de son messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, il y a le bonheur, ou tout le bonheur tourne autour de cela. Tout le bonheur dans cette dunya, mais surtout dans l'akhirah. Tout le bonheur tourne autour de quoi ? L'obéissance aux ordres d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. وَالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ الْاِقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. حَيْثُ كَانَ sallallahu alayhi wa sallam يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِئَ مَرَّةِ يَعْنِي يَقُولْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. Et le deuxième enseignement, dans le fait de se repentir envers Allah, auprès envers Allah Azza wa Jal, il y a quoi ? Il y a le fait d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait vers Allah chaque jour 100 fois. Yani il disait atoubu ila Allah, atoubu ila Allah, atoubu ila Allah, je me repens vers Allah, je me repens vers Allah, je me repens vers Allah. والتوبة لا بد فيها من صدق بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منتو على فعل المعصية أو على ترك الواجب أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مسرة على فعل المعصية فَإِنَّ تَوْبَتَهُ لَا تَنْفَعُهُ بَلْ إِنَّهَا أَشْبَهَ مَا تَكُونُ بِالْإِسْتِهْزَاهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et le repentir, mes frères, il est obligatoire qu'il soit accompagné de sitq, de véracité. Dans la mesure où la personne, elle se repent vers Allah Azza wa Jal et elle arrête complètement son péché. Mais si la personne se repent avec sa langue, il dit « Astaghfirullah, atoubou ilay ». Mais son cœur, il continue à vouloir faire la désobéissance ou à délaisser une obligation. Ou alors, avec sa langue, il se repent vers Allah et ses membres continuent à pratiquer la désobéissance, à pratiquer le péché. Alors son repentir n'est d'aucune utilité. Tu peux dire Astaghfirullah wa atubu ilayh et tu continues à ne pas prier à la mosquée ou à ne pas obéir aux ordres d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux dire Astaghfirullah wa atubu ilayh et tu continues à boire de l'alcool, à fumer des cigarettes, etc. Ton tawbah ne sert à rien. Ta tawbah n'est d'aucune utilité. Pourquoi ? Parce que tu continues le péché. Et il dit même que ceci ressemble plus à de la moquerie envers Allah Azza wa Jal. Tu te moques de lui. Dans la mesure où tu, avec ta langue, tu te repens, mais avec tes membres ou avec ton cœur, tu continues le péché. كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها؟ وتقول أتوب إلى الله من معصيتي وأنت عازم على فعلها. الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر به ويستهزئ بي، كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزو ولعب، فكيف برب العالمين؟ Ici, il nous dit comment une personne peut se repentir vers Allah d'un péché et il continue à pratiquer ce péché. Comment peut-il dire « Je me repens vers Allah » et il désire toujours faire ce péché? Imaginez-vous une personne. Elle agit ainsi avec un autre être humain, avec un autre individu. Hein? Elle dit je m'excuse d'avoir fait ça et il continue de te faire la même chose. Tu vas dire mais lui il se moque de moi. Tu vas dire lui il se fiche de moi. Il me prend pour un rigolo. Il se moque complètement de moi. Comment est-il possible qu'il me dit je délaisse une chose et en même temps tu le vois il refait la même chose avec moi. Tu vas dire ça, c'est de l'amusement, c'est de la moquerie. Il joue avec moi. Hein? Ça, c'est entre deux êtres humains. Que dire alors avec le Seigneur de l'univers? Que dire avec le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin? Inna min al-nas man yaqul innahu ta'ib min al-riba mathalan. Walakinahu waliyadu billah musirrun alayhi. Yumarisu al-riba sarihan. Wa yumarisu al-riba mukhadi'atan. وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا مخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين. Il dit, certaines personnes disent, je me repens à Allah de riba, des intérêts. Et cependant, tu le vois, il continue à pratiquer ou à manger de riba. Tu le vois, il pratique le riba, que ce soit de façon claire, de façon apparente, sans contestation. Et d'autres, tu les vois pratiquer le riba de façon cachée ou de façon, de façon déguisée, c'est déguisé par tromperie, Et comme il dit le chir, on a vu plusieurs fois auparavant, que celui qui utilise ou qui pratique riba de façon cachée, de façon maquillée, est pire en termes de péché et en termes de crime que celui qui pratique riba directement, de façon claire. Parce que celui qui le fait de façon traître, de façon cachée, il aura commis sur sa propre personne deux crimes. أولاً الوقوع في الربا. La première, il est tombé dans le riba. Mais la deuxième, والثانية مخادعة الله عز وجل وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. Et la deuxième, c'est la tromperie, la traîtrise envers Allah Azza wa Jal. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne savait pas ce que tu faisais. Il va donner un exemple pour que vous compreniez. وَهَذَا يُوجَدْ كَثِيرًا فِي النَّاسَ الْيَوْمِ الَّذِينَ يَتَعَامَلُونَ فِي الرِّبَى صَرِيحًا أَمْرُهُمْ وَاضِحٌ لَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعَامَلْ فِي الرِّبَى خِيَانَةً وَمُخَادَعَةً. Aujourd'hui, il dit beaucoup, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui travaillent, pratiquent riba de façon claire. Je vais à la banque, je prends un prêt, la banque me prête 10 millions et je les rembourse 12 millions sur 10 ans. Riba. Là, il y a des choses haram. Contrairement à ce que certains ont pu vouloir faire croire à la communauté que c'était halal. Haram. Ça, c'est clair. Mais d'autres ont essayé de cacher les choses. D'autres ont essayé de cacher, de tromper, de trahir. Prêt islamique. Hein? Banque islamique. Hein? Crédit islamique. Aujourd'hui, à notre époque, hein, comment on rend halal les choses? On met le mot islamique dedans. Banque islamique, crédit islamique, chanson islamique, film islamique, série islamique. Alhamdulillah, tu mets islamique, tout devient halal. Tout devient halal. On n'a pas encore vu alcool islamique, mais Allah, peut-être un jour ça va sortir, Allah alam. Ils te mettent le mot islamique et tout devient halal, subhanallah. Et regardez un des exemples. تجدوا عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبح والعياذ بالله فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعا صوريا وكل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا لأن هذا المشتري المدين لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه بل لو كان أكياسا من الرمل ويبعث عليه على أنها رز أو سكر أخذها لأنه لا يهمه الذي يهمه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلا بعشرة آلاف لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بكم؟ بتسعة آلاف مثلا فيؤكل هذا الفقير من وجهين من وجه هذا الذي دينه ومن جهة صاحب من وجهين من جهة هذا الذي دينه ومن جهة صاحب الدكان ويقولون إن هذا صحيح بل يسمون التصحيح يقول قائلهم تعال أصحي عليك وأصحي لك كذا وكذا سبحان الله هل هذا التصحيح؟ هذا تلتيخ بالذنوب والعياذ بالله. Regardez l'exemple. Suivez bien l'exemple. Et peut-être ça va vous parler. Peut-être vous avez vécu ça. On va prendre, il y a trois personnes. Il y a une personne qui a un magasin avec des biens. Il y a un riche et un pauvre. Fahimtoum ? Le riche, il va prendre le pauvre. Il va l'emmener au magasin. Hein? Et la personne du magasin, elle va vendre au pauvre de la marchandise. Le pauvre, il a de l'argent? Il n'a pas de l'argent. Il n'a pas d'argent. Alors le riche dit, je te prête 10 000. Voilà, il dit 10 000 riels. Hein, peut-être, je ne sais pas combien on s'est face à faire. On va prendre, je te prête 2 millions. Je te prête 2 millions. T'achètes la marchandise. Le pauvre, il n'a rien à faire de la marchandise. Il dit même, ça se trouve, c'est des sacs remplis de sable. Il ne regarde même pas ce qu'il y a dedans. On lui dit, c'est du riz, c'est du sucre. Il prend. Il ne regarde même pas, il ne vérifie même pas. Il achète la marchandise à combien? À 10 000. À 2 millions, on va dire. On va prendre les chiffres de chez nous. À 2 millions. L'argent, il vient d'où? Du riche. Hein? Et donc, le pauvre, il n'a pas d'argent. Il prend les 2 millions, il les donne à qui? Au commerçant. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il fait? Le pauvre, il touche même pas la marchandise. Non, le pauvre, il dit au commerçant, je te revends la marchandise. Mais je te le revends 1 500 000. Le commerçant, il dit, ok. Il lui revend 1 500 000 la marchandise. Ça, c'est le riba. Hein? Ça, c'est le riba. Hein? Et ça ressemble à ce qu'on appelle bay'u l'ina. Pourquoi? Parce que personne ne perd dans l'affaire. Dans l'affaire, personne n'a perdu. Le commerçant, il a vendu sa marchandise, il l'a racheté moins cher, et donc il va la revendre après. Donc il a gagné. Le pauvre, il a récupéré 1,5 million directement en cash. Parce que quand il a vendu la marchandise, il a récupéré 1,5 million. Certes, il va rembourser 2 millions, mais dans un an, c'est pas grave. Il a eu son argent cash qu'il a besoin tout de suite. Et le riche, hein, quoi? Il a prêté 1,5 million, 2 millions, et il va récupérer après. Hein, vous comprenez? Il va récupérer la différence. Ils ont tous gagné. Donc ça, c'est, et ils disent ça, ils prétendent ça, c'est ce qu'on appelle at-tashih, la correction. Hein, les gens disent, viens, on va corriger ton affaire. Hein, le pauvre, tu as besoin d'argent, je ne peux pas te prêter 1,5 million et toi tu me rends 2 millions, ce n'est pas possible. Mais ce qu'on va faire, hein, tu vas acheter ça, après tu vas le revendre, hein, et il triche, subhanallah. Regardez comment ils ont essayé de cacher les choses. Hein? Également aussi, hein, aujourd'hui, ce qu'on trouve, hein, les prêts islamiques, mes frères, ou les crédits islamiques. Par exemple, tu veux acheter un terrain ou une maison. Tu vas voir la banque. Tu dis, je veux ce terrain ou cette maison. Il coûte 10 millions. Il coûte 10 millions. La banque, il dit, d'accord, on te l'achète. On l'achète et après, tu nous rembourses. Tu nous rembourses 1 million pendant 12 ans. D'accord ? Ça, c'est permis ou pas ? C'est pas permis. Pourquoi c'est pas permis ? Parce que la banque, elle te vend le terrain ou la maison avant qu'elle la possède. Avant qu'elle la possède. Il va te vendre le terrain et la maison avant que lui-même il l'a acheté. Et ça, là, il y a juz. Là, il y a juz. Il n'est pas permis que tu vendes un bien que tu ne possèdes pas. Et j'ai eu une discussion un jour avec un banquier de banque islamique. Je lui ai dit, d'accord, votre forme de prêt. Si lorsque je vous demande de m'acheter le terrain à 10 millions, vous l'achetez. Après, avant qu'on commence le remboursement, je dis en fait non, je ne le veux pas. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il dit non, vous êtes obligé de rembourser. Donc, parce qu'eux, ils disent non, on ne vous le vend pas avant de le posséder. Ben, vous me le vendez parce que je suis obligé de l'acheter une fois que vous l'avez acheté. Ça veut dire que vous l'avez vendu avant. Si j'aurais le droit de dire non, je ne le prends pas. Je l'achète pas. Là, c'est différent. Mais là, ils te l'obligent. Et tu dois le rembourser. Et eux, bien sûr, ils n'utilisent pas le mot intérêt. Non, c'est des bénéfices. Hein? Ils changent le mot. Hein? Mais comme ils disent, hein, dans l'expression, tu peux appeler un âne un cheval de course, ça reste un âne. Hein? Donc faites très attention, hein, à ce type de riba déguisé, hein, caché, yani, qui trompe les gens. ولهذا يجب علينا إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبة أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحا. Et donc il est obligatoire pour nous tous, mes frères et mes sœurs, hein, si on est vraiment véridique avec Allah Azza wa Jal, hein, qu'on se repente à Allah, hein, et qu'on délaisse les péchés et les désobéissances totalement et qu'on les déteste totalement et qu'on regrette de les avoir pratiqués, de les avoir faits, afin que notre tawba soit une tawba sincère et acceptée. وفي هذين الحديثين دليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وهو كذلك فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. Et dans ces deux hadiths, mes frères, il y a une preuve que notre prophète bien-aimé Mohammed صلى الله عليه وسلم est la personne, hein, la plus, yani, qui fait le plus d'adoration pour Allah Azza wa Jal. Hein? Il est la personne qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Il est la personne qui a le plus de taqwa envers Allah Azza wa Jal. Il est celui qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بمقاله وفعاله. Et il y a aussi dans ces hadiths une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un professeur, un enseignant, du bien avec ses paroles, mais aussi avec ses gestes. Avec ses gestes. فَكَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالْإِسْتِغْفَارِ حَتَّى يَتَأَسَّوْ بِهِ إِمْتِثَالًا لِأَمْرِ وَاتِّبَاعًا لِلْفِعْلِ. Et donc il demandait pardon à Allah et il ordonnait les gens de demander pardon à Allah afin donc qu'ils le prennent comme modèle dans son obéissance à son ordre, hein, et dans la suivi de son acte, de ses gestes. Regarde, il n'a pas seulement dit Toubou ilallah wa astaghfiru. Il n'a pas dit seulement ça. Il a dit Toubou ilallah wa astaghfiru. Et moi aussi, ana astaghfirullah wa atubu ilallah. Hein? Mia marra, il l'a fait, il l'a ordonné, lui-même il l'a fait, subhanallahu alayhi wa sallam. La parole et les gestes. Tfadal akhi, adhin wa. نستمر بعد الأذان إن شاء الله باقي قليل إن شاء الله يغسب بكو وفيني أبقى الأذان إن شاء الله نعم يغسب بكو ونتعمل إن شاء الله الإسبيكاسيون دو سيدو حديث وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأسى به إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه بنو لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل أن تفعل ما تؤمر به وتترك ما تنهى عنه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما Et donc ceci, hein, c'est la perfection dans le conseil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Il est donc impératif pour nous, mes frères et mes sœurs, hein, que nous prenions comme modèle et comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si nous ordonnons les gens hein, une chose, alors on soit les premiers hein, à obéir et à faire cette chose. Hein. Et si nous interdisons les gens à faire une chose, alors nous sommes les premiers hein, à délaisser cette chose. Hein, car ceci est la réalité de celui qui appelle à la voix d'Allah Azza wa Jal. C'est la réalité de la prédication dans la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, que nous faisions ce que nous ordonnons ou ce qui nous a été ordonné. Hein, et que nous délaissons ce qui nous a été interdit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, nous ordonnait hein, le repentir, alors lui sallallahu alayhi wa sallam se repentait encore plus que nous sallallahu alayhi wa sallam et on demanda à Allah azza wa jal hein, d'accepter notre repentir hein, et de nous guider tous sur la voie droite hein. Taïm, mais une question se pose hein, et qu'on rajoute ici, ça veut dire que si je fais un péché par exemple hein, secrètement, je n'ai pas le droit hein, d'interdire ce péché ou de conseiller mes frères et mes sœurs. Non, ça ne veut pas dire ça. Hein, comme a dit Ibn al-Rajab, une parole inconnue, « لَوْ لَمْ يَعِذِ إِلَّا مَعْصُومٌ مِنَ الزَّلَلِ لَمْ يَعِذِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Il a dit, si on devait conseiller ou exhorter, non, si seulement celui qui était infaillible de toute erreur ou de tout péché devait exhorter ou devait conseiller les gens, alors personne ne conseillerait les gens après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il est le seul à être infaillible. Il était le seul qui était marsoum. D'accord ? Et donc tout le monde a des erreurs. Tout le monde a des péchés. D'accord ? Cependant, lorsque tu ordonnes hein, et que tu interdis, tu dois tout faire et tout mettre en œuvre afin d'être le premier à faire ce que tu dis et à délaisser ce que tu interdis. Wallahu a'lam. Avec ça, on a terminé hein, l'explication de ces deux premiers hadiths et on continuera bi'idhnillah la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا